France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. André Bazin, des cahiers du cinéma. C'était ainsi que, depuis 1951, on pouvait présenter celui qui fut l'un des fondateurs de la publication qui allait s'imposer comme l'un des grands titres de l'histoire des revues artistiques et intellectuelles. En 1952, sur la chaîne nationale, c'était ainsi que l'on présentait André Bazin, participant à un débat de la Tribune de Paris autour de la question « Le film sur l'art trahit-il l'art ?» À un moment où les courts-métrages, qui s'intéressaient aux peintres et à la peinture, ou à l'art en général, suscitaient l'intérêt d'un public assez large et concernaient des réalisateurs importants, ce débat réunissait du beau monde aux côtés de Bazin. Outre le critique Henri Martini, on pouvait en effet y entendre Emmanuel Berle, André Chanson, Jean Grémillon et Fernand Léger. Tribune de Paris, le film sur l'art trahit-il l'art, une émission diffusée la première fois le 29 janvier 1952 sur la chaîne nationale. Tribune de Paris, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Les films sur l'art ont maintenant conquis la faveur du public. Plusieurs cinémas ont présenté des programmes ne comprenant qu'une série de ces courts-métrages. Une salle de la rive gauche, traditionnellement consacrée aux films d'avant-garde, projette depuis plusieurs semaines un spectacle ainsi composé. Mais les films sur l'art ne trahissent-ils pas l'art dans la mesure où ils donnent des dessins, de la sculpture, de la peinture qu'ils ont filmés? Une représentation qui nécessairement les déforme. Certains artistes le prétendent. Ont-ils tort? Ont-ils raison? Autour du micro sont réunis le peintre Fernand Léger, le metteur en scène Jean Grémillon, auteur avec Pierre Caste des Désastres de la guerre, film réalisé d'après les eaux fortes de Goya, André Chanson, conservateur du Petit Palais, André Bazin de la revue Les Cahiers du cinéma, Henri Martini, critique d'art de l'hebdomadaire Art et du quotidien Le Parisien Libéré, et Emmanuel Berle. Émile Dana va mener le débat. Voilà, messieurs, une autre querelle. On nous dit que le film sur l'art, court-métrage consacré à un peintre ou à une série de peintres ou à une peinture ou à une série de peintures, on nous dit que le film sur l'art trahirait l'art, l'art qu'il est précisément chargé de servir. C'est bien votre thèse, je crois, Henri Martini. Oui. Avec cependant, que ce n'est pas une question de principe, c'est une question d'espèce. Il y a des films qui sont fidèles et qui par conséquent ne trahissent pas. Il en est d'autres qui, tout à fait infidèles et ne respectant pas l'unité du tableau, eh bien, mon Dieu, on peut dire qu'ils le trahissent. Fernand Léger. Moi, je suis d'opinion qu'on doit continuer ces procédés pour la vulgarisation des œuvres d'art, surtout pour les gens qui vraiment n'ont pas le temps ni les loisirs de courir les musées ou les galeries. Les gens, l'opinion de mon voisin est que les gens initiés en art, naturellement, sont troublés par des pollutions médiocres. Mais il faut créer des routes. Alors ces films dont nous parlons, créent des routes pour les gens. Et qui, alors après ça, ils diront, bah, tiens, je vais voir les tableaux, j'irai au musée, comprenez-vous? Je ferai la comparaison. Ce sera mauvaise ou bonne. Et ça crée des routes. Ça donne un élan pour ces gens-là. Emmanuel Berle. Ben moi, je considère, n'est-ce pas, que l'art a deux possibilités. Ou bien il tombe dans la trahison, ou bien il tombe dans l'oubli. N'est-ce pas? Le musée est une trahison, déjà. La reproduction est une trahison. Bien entendu, le film en est un. En est une, de trahison. Naturellement, moi, je suis spécialement responsable, en petite partie d'ailleurs, de Manet. Naturellement que Manet a été trahi. Des tableaux qui sont très différents de dimension sont représentés comme s'ils étaient de dimensions semblables. D'autre part, Manet est en grande partie un coloriste et on le représente en noir. L'écran lui-même n'est pas toujours très fidèle. Mais on fait ce qu'on peut. Et je n'ai personnellement eu l'intention de servir Manet et non pas de le trahir. Voilà ce que je peux dire. Et je crois que, en fin de compte, les gens qui auront vu le film en sauront tout de même un peu plus sur Manet qu'ils n'en savaient en entrant. Alors, en effet, je suis d'accord avec M. Léger. Après, je leur souhaite, et je les prie, d'aller voir les tableaux auxquels il n'est pas question de se substituer. André Bazin. Eh bien, peut-être pourrait-on poser le problème en distinguant dans les films sur l'art deux espèces. Les films dont M. Martini parlait, qui ne trahissent pas parce qu'ils ont un but uniquement pédagogique. Mettons par exemple le Rubens de Storck et Hazard, qui, quoi qu'on pense des thèses qui sont impliquées dedans, n'a qu'un but pédagogique, et des films du genre de Emmer ou le Van Gogh de René, qui jouent de manière libre avec les tableaux et le peintre. Je crois que c'est de cela seulement que, a priori, on pourrait penser qu'ils trahissent l'œuvre, puisqu'ils introduisent une dramatisation, par exemple, ou bien une thèse psychologique, ou bien qu'ils divisent, ou encore qu'ils divisent l'espace du tableau et qu'ils le reconstituent selon un temps qui n'est pas celui du peintre, etc. Alors, c'est en fonction de cette seconde espèce, me semble-t-il seulement, qu'il peut y avoir une critique a priori. Et alors là, je répondrai que je suis, moi, à fond pour ce genre de film quand même, parce que je crois qu'il y a un malentendu si on s'imagine qu'il s'agit seulement d'un film qui sert le peintre. Il s'agit, me semble-t-il, d'une œuvre d'art au second degré, en quelque sorte, qui prend comme matière première la peinture, et c'est à partir de cette donnée qu'il faut que l'on juge ces films. André Chanson. Les œuvres d'art, et en général toutes les œuvres de l'homme, sont bonnes ou mauvaises. L'œuvre d'art initiale peut être elle-même bonne ou mauvaise. Et il ne manquerait plus que ça, que les œuvres faites d'après une œuvre d'art ne puissent pas être bonnes ou mauvaises. Je serais quant à moi scandalisé si on était certain que le film fait sur l'art est nécessairement bon. Il est trop évident qu'il a des chances d'être mauvais, comme les œuvres d'art elles-mêmes. Mais étant donné qu'un jugement de qualité doit être porté sur chaque cas d'espèce, je voudrais tout de même plaider, d'une façon générale, que le film fait sur des œuvres d'art, sur un peintre, sur un tableau, sur un ensemble de tableaux, me paraît apporter, ou pouvoir apporter, quelque chose de très particulier et de très précieux. Je m'explique. Le rapport de l'homme et de l'œuvre d'art n'est pas un rapport donné, c'est un rapport conquis. Je veux dire que même le plus primitif des hommes mis en présence d'une œuvre d'art est obligé de régler un certain nombre de réactions où il n'en aura pas du tout et nous serons en présence de la brute. Et nous-mêmes, qui nous considérons comme des hommes cultivés ou qui du moins vivons dans les choses de la culture, nous avons un rapport très particulier avec l'œuvre d'art. Le procédé du travelling, par exemple, que le cinéma moderne a inventé, mais notre œil fait des travelling sans arrêt. Je ne regarde pas un tableau sans faire des travelling sur ce tableau avec mes deux globes oculaires. Et chacun de nous a une cadence de vision. Et je crois que tout homme particulièrement cultivé dans les arts a une façon d'appréhender un tableau, d'établir entre lui un rapport avec cette œuvre d'art qui peut justement être transféré dans le film que l'on crée sur un tableau. Au fond, je rêverais, moi. J'ai une manière particulière, personnelle, elle est bonne, elle est mauvaise, il ne faut pas faire de hiérarchie, elle est ce qu'elle est. De regarder un tableau, et je suis sûr tout de même, comme j'ai une grande habitude de regarder les tableaux, que la plupart des hommes, dont ce n'est pas une des occupations fondamentales, ne les regardent pas de cette manière. Si le film me permet, pour ainsi dire, d'entraîner dans ma vision, de faire passer dans ma rétine des gens qui ne sont pas moi, et de faire que les démarches que j'ai devant l'œuvre d'art leur soient, pour ainsi dire, à eux qui ne l'auraient pas imposées, alors, nous rentrons dans un jugement de qualité, c'est bon ou c'est mauvais, ça peut être bon ou ça peut être mauvais, mais je dirais que si c'est réussi, c'est extrêmement intéressant. Et comme véhicule de l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement passionnant, étant bien entendu du reste que le film est chose fragile, et qu'on ne détruit pas une œuvre d'art parce qu'on a fait un mauvais film sur elle. Les peintres sont respectés, les œuvres sont respectées. Oui, il nous reste... Ce que je peux dire, c'est que Emmanuel Bern, dans un journal, dans une revue, un critique d'art important que je ne vais pas nommer à la radio, qui demande qu'on grandisse, qu'on agrandisse les orfèvreries de l'exposition Meusanne à la dimension des statues, par exemple, de Sluter. Eh bien, du point de vue de la trahison, évidemment que c'est tout de même une trahison presque indéfendable, aussi indéfendable que d'introduire le mouvement dans un tableau immobile. Et d'un autre côté, il est très probable qu'il a raison. Il dit que c'est le seul moyen de faire ressortir la grandeur de certains sculpteurs médiévaux. Alors, il nous reste, messieurs, oui, il nous reste, messieurs, si vous voulez bien connaître la position du traître, c'est-à-dire du cinéaste Jean Grémillon. Oui, j'allais répondre à Helbert, justement, qu'il y a des trahisons qui sont quand même la plus grande manifestation de la fidélité. Mais bien sûr. Oui, c'est bien. Non, mais d'accord. Je pense simplement, le cinéaste a un seul point de vue. Je considère que l'instrument que nous avons entre les mains est maintenant, du temps que nous vivons, à peu près le seul instrument de culture populaire mis à la disposition de gens extrêmement nombreux qui ne peuvent pas fréquenter des musées ou qui ne peuvent pas voir d'exposition. Je parle d'une masse énorme de gens. Je pense aussi à tous les gens qui ne peuvent pas acheter des ouvrages fort coûteux sur les magnifiques collections de Vienne ou celles du Prado. Vous disiez tout à l'heure, André Chanson, que bien sûr, la technique même du cinéaste est pratiquement celle d'un spectateur de musée ou d'un amateur d'estampes. Et bien sûr, l'œil s'approche, se recule, l'œil regarde à gauche, regarde à droite, c'est donc une sorte de choix que vous faites pour le spectateur cinématographique. Il y a un problème qui me touche beaucoup plus. Je ne parle pas là des films pédagogiques pour l'instant, mais un film sur l'art n'est pas seulement une reproduction photographique d'une œuvre peinte, d'une œuvre sculptée ou d'une œuvre tournée. C'est tout de même aussi un montage de ces images, c'est un rapport des images du peintre ou du sculpteur et du commentaire, et aussi du musicien. Il y a là tout un ensemble qui correspond, selon moi, à donner une vision choisie, une sorte d'élection dans la vision, à un spectateur qui est fort loin de moi, que je ne connais pas, qui est dans la campagne de Limousine, et qui doit aussi connaître ces œuvres-là. Je vous accorde, bien sûr, qu'il y a des petites trahisons. C'est ce qu'a dit Chanson, ça. Oui. C'est-à-dire que quand c'est bon, c'est bien. Et il a raison, et vous aussi. J'ai une petite, comment dirais-je, un petit apologue que je voudrais placer et qui, je crois, nous ferait gagner la partie au Grémillon. Parce que si nous disons ça, vous, cinéaste ou moi, écrivain et commentateur, dans notre contemporanéité, notre présence, nous perdons la partie. Mais je vais vous dire une chose. L'autre jour, je crois bien que c'est Camoin qui est venu me voir au Petit Palais. J'ai sorti le portrait de Vollard par Cézanne. Or, il se trouvait que mon interlocuteur avait vu Cézanne devant son propre tableau. Cézanne qui est déjà dans les prestiges de l'histoire et dans les prestiges de la grandeur de la création. Et il m'a expliqué comment Cézanne regardait son propre tableau. Comment le peintre, devant son œuvre, l'a regardé, et non pas l'a regardé d'un seul coup, mais l'a détaillé, le plastron, le fond, etc. Et en écoutant ce témoin qui avait vu un homme qui maintenant, pour nous, est dans tous les prestiges, je me disais, quel malheur qu'un cinéaste n'ait pas été là, et que ces démarches de son œil que Cézanne définissait, il n'ait pas eu l'intelligence, la chance, la tendresse, car il y faut beaucoup d'amour dans ces choses-là, de les fixer, et que nous ayons maintenant un film dans lequel on nous dirait, voilà comment l'œil de Cézanne appréhendait le tableau qu'il avait créé. Oui, mais c'est vrai. La partie est gagnée à ce moment-là, n'est-ce pas ? Naturel. N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord, le peintre est d'accord. Ça serait très beau à faire. Henri Martini. Mais nous sommes... Je ne pense pas qu'il y ait lieu de discuter sur tout ce qui vient d'être dit. D'autant plus que c'est valable pour beaucoup d'autres cas que le film. Ah, ça. On pourrait même déduire de ce que vient de dire Chanson un art de regarder les tableaux qui serait valable pour toutes les œuvres d'art et en toutes circonstances. Ce qui me paraît le point, c'est que, Léger l'a très bien dit, le film apporte une contribution importante à la vulgarisation, disons le mot, à la vulgarisation de l'œuvre d'art, et par conséquent, il peut être très utile. Il peut être très utile, oui, mais quelles que soient les restrictions qu'on puisse faire, mais il ne s'ensuit pas qu'on ne doive pas, quels que soient les moyens, quels que soient les résultats obtenus maintenant, il ne s'ensuit pas qu'on ne doive pas désirer mieux, si possible. Ah, c'est désirer mieux, bien sûr. Jean Grémillon, oui. Une chose qui doit passionner Fernand Léger, par exemple, entre autres, je connaissais admirablement tous les dessins de Goya qui sont au premier étage du Prado. Bon, ils m'avaient très fortement frappé quand je les avais vus de nombreuses fois à Madrid. Mais je n'ai vraiment vu la technique de Goya dans ses eaux fortes, comment certains morceaux de sa planche sont volontairement rongés, sont salis, je ne les ai vus, mais qu'à travers un objectif. Et c'est le seul moyen que Pierre Cassel avait naturellement, on peut dire que Goya ne désirait peut-être pas que vous les voyiez. Oui. Oh, écoutez, à partir du moment où il a voulu montrer les désastres de la guerre, on pouvait les montrer dans son entier. Pas plus que les peintres ne désirent qu'on voit tous les dessous, puis il y a dessous, puis qu'on joue. Non, mais il y a quelquefois des découvertes extraordinaires. Oui. Je me suis penché sur le manuscrit de l'Apocalypse de Saint-Sever, où vous découvrez dans l'œil simplement de l'oiseau des choses absolument extraordinaires. Mais voyons, je vous mets au défi de voir nous regardons les manuscrits ou les miniatures avec une loupe. Mais bien sûr. Or, qu'est-ce que nous faisons en la regardant avec une loupe? Nous la faisons passer au monumental, tout comme lorsque nous projetons sur l'écran un petit détail qui s'appelle. Oui, mais alors nous avons tout de même de terribles risques, parce que il est bien évident que si on grandit énormément une miniature, et si on rapetisse énormément une fresque, mettons celle de Luca Signorelli à Orvieto, vous arrivez à donner l'impression que Luca Signorelli était un miniaturiste et que l'autre, le miniaturiste, était un faiseur de fresques. Oh, alors, écoutez, évidemment, vous trahissez. Dans la technique même, dans la technique même de la gravure. Non, ça, je la crois qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec la photo. Oui, messieurs, nous avons la chance d'avoir ici un homme qui est le sujet même d'un film, Fernand Léger. Avez-vous le sentiment d'avoir été trahi, Fernand Léger? Écoutez, les films que l'on a fait sur moi et que l'on est en train de faire, je les surveille d'un œil, parce que d'avance, je sais, ce sera gagnant ou perdant. Mais jamais ni complètement gagnant, ni complètement perdant. J'en reviens à mon plan, c'est une œuvre de vulgarisation, et qui tout de même ouvre des routes, n'est-ce pas? Et j'ai tout de même reconnu que j'ai vu dernièrement, et ce de votre ennemi, là, comment il y a Elmer. Ah oui. J'ai vu des fragments, des gros plans, de détails. Peut-être ça ne plairait pas du tout aux primitifs qui les a faits. Mais pour nous, c'était une chose étonnante. J'étais avec des élèves. On n'avait jamais vu ces petits personnages, cette petite main, ces petits arbres. On l'a vu en grand. Est-ce bénéfice ou est-ce bon ou est-ce mauvais? Je crois que c'est bon. Oui, mais bien sûr. Ça. Moi, il me semble que dans le débat, là, on fait passer un peu au second plan le film. Nous ne parlons que de vulgarisation de tableau. En ce sens-là, nous sommes tous d'accord sur l'apport que peut faire le cinéma par ce grossissement, par la façon qu'il a de nous obliger à voir. Mais je crois que certains films sur l'art, et Grémillon ne me contredira pas, sont plus que cela quand même. Il y a vraiment une espèce de symbiose, si je puis dire, entre la peinture et le cinéma. Le fait qu'on fasse un travelling, que l'on grossisse, qu'on déforme, et surtout que la caméra pénètre dans le cadre du tableau, c'est-à-dire que l'écran qui est un cache et qui n'est pas un cadre, pénètre dans le cadre du tableau, fait que le tableau se transforme en un univers absolument aussi vaste et aussi libre que l'univers réel, et que, en quelque sorte, il le transforme en un univers de film et plus seulement en tableau. Alors là, je crois qu'il faut faire la part quand même large au film. Je crois qu'il s'agit d'œuvres qui sont en partie au moins originales et pas seulement. Ah oui, mais alors là, je crois que le problème de la trahison ne se pose plus. Oui. Si vous prenez des tableaux comme matière première d'une œuvre d'art que vous projetez qui est un film, c'est votre droit. Vous pouvez prendre des tableaux aussi bien que vous prenez des femmes ou des rochers ou tout ce que vous voulez. Seulement, à ce moment-là, le problème de la trahison cesse de se poser. Puisque au début, vous commencez par dire « je prendrai le peintre comme une matière première », ce qui est le comble de la trahison. Mais je ne crois pas que ce soit pour autant le comble de la trahison. Dans le Van Gogh, par exemple, je crois que René a bien pris le peintre comme matière première. Et je crois que Emmer en a fait autant avec Bosch et les autres peintres. Il a eu raison, mais c'est de la trahison. Je ne crois pas qu'il ait trahi pour autant. C'est Félix Culpa. Et Goya, pour vous. Ah, mais c'était tout différent. Tout différent. Le problème Goya et le problème Emmer que vous venez d'évoquer sont pour moi deux problèmes absolument différents. Disons que une position telle que celle que vous venez de la définir, c'est-à-dire de prendre des éléments à un peintre pour vous reconstituer une œuvre d'art, est pour moi une démarche de mon esprit qui m'est complètement fermée et étrangère. André Chanson. En réalité, je crois que notre discussion sort surtout du fait que le cinéma est un élément nouveau dans notre vie et que tout ce que le cinéma fait, introduit dans notre existence, a quelque chose d'assez bouleversant et je dirais presque de détonnant, car en réalité, depuis des siècles et des siècles, cette espèce d'appropriation de l'œuvre d'art pour la création d'une œuvre seconde. Les écrivains n'ont fait que ça. On va devant l'Acropole et on écrit sur l'Acropole, trahit-on l'Acropole? Non, on établit son rapport avec l'Acropole. Et je trouverais curieux du reste, je leur dis en toute amitié, que les historiens de l'art, qui sont ceux qui font le plus métier d'établir rapport entre eux et l'œuvre d'art, n'est-ce pas? Car un historien de l'art, qu'est-ce que c'est si ce n'est un homme qui établit un rapport entre sa pensée propre et l'œuvre d'art? Comment dirais-je, soit un petit peu choqué du fait qu'une nouvelle technique, qui n'est pas uniquement une technique de notre esprit et de notre plume, fasse exactement la même chose. Ce qui me paraît rassurant, c'est que justement le cinéma est peut-être une des choses les plus fragiles, et que si même on fait un mauvais film sur une belle œuvre d'art, le film passe et l'œuvre d'art restera. Moi, j'ai Emmanuel Berle, un mot. Je veux bien me dire, n'est-ce pas, je ne considère pas comme illégitime qu'on fasse des films dont les œuvres d'art soient la matière première. Mais c'est évidemment le prendre de très haut et donc d'une manière très tresse avec eux. D'autre part, alors si on se place au point de vue de la fidélité, je serais assez de l'avis de M. Hardy, c'est-à-dire que tout est dans l'intention. N'est-ce pas? Il faut ne pas vouloir trahir le peintre. Ou alors il faut vouloir faire autre chose que lui, ce qui est légitime, mais ce qui n'est plus fidèle au peintre. Fernand Léger. En professionnel, je vous dirais que certains fragments grossis m'ont été très utiles. J'ai profité de certains films faits sur mes œuvres. Parce que des fragments vraiment que je n'avais pas, je les ai vus, vraiment. Je ne les avais pas vus, je les avais sentis. Mais là, je les ai vus. Ça m'a servi beaucoup. Là, je crois que c'est important. Oui, mais ces films avaient été faits pour vous. Pas oui. Pour vous trahir. N'est-ce pas? Pas pour essayer de faire toute autre chose. Je ne sais pas, moi, mettons un nouveau. Oui, on a, y a la présence était plus ou moins là. On est là, on est voilà, plus ou moins présent. Là. Et vous vous défendiez probablement. Enfin, Jacques Guernica, par exemple, de René, n'est pas une trahison. Je ne sais plus, écoutez. Ah, on est à 19. André Bazin, Emmanuel Berle, André Chanson, Jean Grémillon, Fernand Léger et Henri Martini ont répondu à la question « Le film sur l'art trahit-il l'art ?» Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française. Nous rappelons que les opinions émises à la Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment. Cette émission a été diffusée la première fois le 29 janvier 1952 sur la chaîne nationale. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant l'évasion d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky.